tout le monde. On est François Xiatas, mon père. Dans le calme, tu t'installes. Nous nous faisons le bas. Nous nous paradons. Soyons les plus beaux. Et nous couleurs d'or.

vertus qu'il faille mener la vie dure à ce que tu aimes plus. Mener la vie dure à ce que tu aimes plus. Considérer comme si tu venais les rencontrer. Et à mesure qu'on passe au travers des années, l'on ne se cherche plus, l'on se met de côté, l'on ne se regarde plus, plus vraiment comme c'était quand on s'est rencontrés. Et quand l'azur relâche ses premières étoiles, et même un croissant de lune, je revois la plage où déambulait ma brune, perdue par le plaisir consommé dans les dunes. Et je retourne à l'âge, étirant le temps du chant des somnambules, le visage en argent, la cadence débuche, le rire dans les dents, nous mettions le feu aux dieux. Considères-tu qu'il faille perdre de vue tout ce que nous fûmes en visant vers le lys? Considères-tu qu'il faille travailler plus, mener la vie dure à ce que tu aimes plus? Et la fatigue s'installe, jubilé affable, bientôt le sable brûle, nous cherchons des tables et les couverts de luxe, l'ombre d'un séjour et des enfants accouchés. Mais tu n'as rien qui vaille la peine de le surjouer. Tu m'attrapes et me dérailles, me fais mettre à l'arrêt, me fais regarder l'âge, nous faire nous ressembler. Considères-tu qu'il faille perdre de vue tout ce que nous fûmes en visant vers le luxe? Considères-tu qu'il faille travailler plus, mener la vie dure à ce que tu aimes? maintenant. Vous avez entendu au fond ce que j'ai dit ? Oui ! Thank you. On a bientôt fini. Ok. Quand vous voulez, hein. De toute façon, il pleut. Les gens peuvent arriver. Ça va? Ouais. Thank you. soir et je suis vraiment tête dessus et après peut-être qu'il y aura une partie là, ça dépendra. En tout cas merci à toutes d'être venues et bonne fin de dimanche.